C'est pas chaque jour, oh non, la vie prend le sourire bas où. Proverbe l'a dit, la chanson mal nécessaire. Où est jodi, qu'on sort pas qu'on démet. Lélé ou non mais, qu'on qui j'en ou a dépensé. Les petits poils à tomber, faut j'en bouger. Les tomber, yes. Moi je bien gonfler. là, poche moi bien gonflé là, et puis bien clair. Yay! Téléphone m'a sonné, mais mesdames y'a checké, si qui ça y'a besoin là. Amen.